Bonjour, bonjour, amis des ondes sur Radio Dio 89.5 à Saint-Étienne. Vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle du Grémos. Tous les mois, le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, vous convie à une petite parenthèse historique ou voire actuelle sur les questions touchant et relatives au monde ouvrier et tout ce qui peut entourer ce monde-ci, donc aussi bien la vie au travail que hors travail. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission dans le cadre de l'exposition notamment de Saint-Étienne Cosmopolitaine dont on va reparler, et le Grémos a souhaité s'associer à cette démarche consacrée aux immigrations dans la ville de Saint-Étienne en vous conviant à un petit rappel historique sur les immigrés et les immigrations dans le bassin stéphanois. Aujourd'hui, nous nous arrêterons aux années 1960, donc nous allons retracer un petit historique du XVIIIe siècle jusqu'à 1962 environ. Nous avions déjà abordé la question des immigrations dans le bassin stéphanois lors d'une précédente émission du Grémos relative aux grèves des travailleurs immigrés étrangers dans le bassin stéphanois dans les années 1970. Aujourd'hui, donc, nous allons mettre le curseur un peu plus tôt dans la période historique et nous allons essayer de retracer à grands traits les évolutions et les questions de flux migratoires dans la ville de Saint-Étienne depuis le XVIIIe siècle. Donc tout ceci, comme je le disais, dans le cadre notamment de la grande exposition actuellement en cours aux archives municipales de Saint-Étienne, qui a pour titre Saint-Étienne Cosmopolitaine. Donc c'est ici Alban Graziotin qui vous parle. Je vais laisser la parole à Antoine Vernet, qui va vous présenter un peu plus en avant cette exposition en cours. Oui, bonjour à tous. Donc dans le programme des archives et sur ce que le Grémos propose de faire cette année, donc autour de cette question des étrangers, des travailleurs étrangers. Donc l'exposition qui a lieu aux archives municipales pendant encore un long moment, donc n'hésitez pas à y aller, présente de manière assez bien faite l'histoire de ces étrangers, de ces gens venus d'ailleurs sur Saint-Étienne, donc arrivés depuis au moins le 18e, donc les premières migrations dont on va reparler dans pas longtemps. Donc ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est qu'elle nous permet vraiment d'être dans le plus quotidien, de pas simplement l'histoire des grands hommes qu'elle n'oublie pas aussi, hein, mais on est voilà sur les deux aspects, à la fois les ouvriers, les maçons, les petits commerçants. Oui, voilà. Donc il y a vraiment une les hommes et les femmes aussi qui ne sont pas oubliés, et les enfants. Il y a vraiment une diversité des points de vue qui est intéressante, qui permet vraiment pour une question qui touche beaucoup de monde. Hein, je pense qu'on a quasiment tous dans la famille quelqu'un qui n'est pas originaire de Saint-Étienne, alors qu'il soit venu de France ou d'ailleurs, ça c'est toujours une autre question, mais voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez bien fait. Il y a notamment la volonté de pas simplement de donner du texte, il y a aussi vraiment mise en avant de l'image et du son. Ça c'est vraiment une initiative des archives dans leurs dernières expositions, c'est de valoriser le son aussi. Ouais, voilà, quelque chose vraiment audiovisuel à tous les points de vue. Donc la seule chose qu'on peut conseiller aux gens, c'est de ne pas venir quand il pleut, puisque l'exposition est quasiment en entier à l'extérieur. Mais voilà, c'est quelque chose qui, en une demi-heure, est plutôt agréable. Il faut pas hésiter vraiment à être curieux. J'ai vu vraiment plein de gens, les deux, trois fois où je suis repassé aux archives depuis, qui étaient intéressés. Oui, le livre d'or d'ailleurs est aussi bien signé. Et les gens ont tous remercié la qualité du travail qui a été fait. Ce qui est intéressant dans cette exposition aussi, ce que je peux dire, c'est le fait de ne pas perdre de vue le caractère industriel de la question de l'immigration dans le bassin stéphanois, et donc par là le caractère ouvrier des immigrations dans le bassin stéphanois. Et dès le XVIIIe siècle, donc il y a une frise chronologique tout le long de l'exposition qui retrace un petit peu les grandes périodes des flux migratoires dans le bassin stéphanois et qui essaye de montrer un petit peu la proportion d'étrangers dans le bassin stéphanois et notamment à Saint-Étienne depuis le XVIIIe siècle. Donc c'est ce qui va aussi nous guider dans notre récit d'aujourd'hui, dans la mesure où on va essayer de périodiser un petit peu les grands flux migratoires, savoir de quelle région du monde ou d'Europe du moins viennent les étrangers sur Saint-Étienne, et puis ne pas oublier aussi dans cette exposition, ce qui est bien mis en avant, c'est que l'étranger d'aujourd'hui comme hier peut être quelqu'un de très proche en même temps. Donc les étrangers au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle pouvaient être aussi des gens qui venaient de la Haute-Loire toute proche, mais qui n'étaient pas des gens de Saint-Étienne. Donc c'était l'autre avec un grand A qui était pas montré du doigt, mais qui était présenté comme un étranger dans la ville de Saint-Étienne par les autochtones, si on veut. Oui, il y a la double question, effectivement, l'intégration dans la population locale, et puis l'autre, mais qui concerne elle plus les étrangers, c'est le poids de la transmission. Qu'est-ce qui reste justement de cette mémoire d'émigration? Qu'est-ce qui, voilà, la langue, la culture. Et ça aussi, c'est d'autres projets qui sont en parallèle de l'exposition, sur les questions des musiques notamment, sur transmission de la langue. Il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, il y a un petit creuset, on va dire, un petit creuset stéphanois en ce moment. C'est assez agréable de voir que les énergies sont mises en commun pour s'interroger sur ce genre de thématique qui est toujours difficile à mettre en place. Donc ça, c'est... On ne peut qu'apprécier justement qu'il y ait... Oui, c'est vrai, parce que dans l'exposition, il nous rappelle à la fin de l'exposition que différentes structures, différentes personnalités stéphanoises travaillent sur ces questions migratoires, des laboratoires de recherche à la faculté, des associations de quartier, etc. Et c'est vrai que les archives municipales ont essayé de faire un creuset un petit peu sur toutes ces initiatives actuelles autour des questions migratoires dans le bassin stéphanois. On peut aussi rajouter, dans cette thématique des questions migratoires actuelles et des initiatives prises dans ce sens, une journée d'études qui va donc être organisée par notre groupe, notre association, le Grémos, donc le 12 et le 13 novembre. Donc le 12 novembre en particulier, on va y revenir. Donc on va présenter un petit peu le programme de ces festivités, on va dire. Donc on a vraiment voulu s'associer parce qu'on avait, voilà, une belle occasion de travailler sur ces questions, de faire émerger un certain nombre de thématiques. Donc on a voulu associer un petit peu les différents aspects en organisant donc le jeudi 12 novembre en soirée à la maison de l'université, donc rue Tréfilery, une soirée musicale justement pour pour se divertir et s'interroger, on peut faire les deux en même temps, sur justement la musique, les chansons de ces migrants, de la migration. Et donc on aura dans cette soirée Manuel Mendes et Stefano Moscato, qui viendront donc nous faire un petit récital de leur répertoire, voilà, respectif. Et donc entrée libre, participation aux frais acceptée largement. Donc voilà, donc vraiment ne pas hésiter à se rendre à la maison de l'université dès le 12 au soir. Et on remet ça le lendemain, mais dans une perspective un peu plus à la fois scientifique et pour donner la parole aux acteurs, aux anciens acteurs. On a vraiment voulu faire les deux. Donc avec une journée d'études intitulée, donc les troisièmes rencontres ouvrières du Grémos, intitulée De l'usine à la cité, immigration et engagement depuis les années 70. Donc vraiment associer à la fois des acteurs scientifiques et avoir des retours d'expérience et pouvoir créer un dialogue véritablement entre les deux. Donc là aussi, entrée libre, toujours à la maison de l'université. Donc sur le programme, on accueille les gens à partir de 8h30, mais on va commencer à 9h avec une petite introduction par Léla Ben-Sharif, qui est docteur en géographie, qui est spécialiste de l'histoire de l'immigration et à Saint-Étienne en particulier. Et après cette introduction, avec une première table ronde, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ouais, avec intitulé L'engagement des immigrés sur les lieux de travail, avec des témoignages d'anciens syndicalistes. Donc on peut les citer directement. Josepha Bolivar. Qui était donc une ouvrière syndicaliste sur le bassin stéphanois dans les années 70-80. Salem Daes, lui, qui était en région lyonnaise, il me semble, dans le... Qui était ancien syndicaliste CGT, justement, oui, dans la région, dans la région lyonnaise, dans les transports, dans les transports, si je ne me trompe pas. Oui. Meshir Mehabdi. Donc lui qui était... aussi un militant syndicaliste cégétiste dans le bassin stéphanois. Et enfin, pour terminer, Michel Zapata, qui était lui aussi un ancien syndicaliste dans le bassin stéphanois, et qui vont tous, à partir de leur expérience personnelle, donc avec un regard beaucoup plus intime que purement syndical, nous montrer, nous parler de leurs expériences en tant qu'immigrés, comment ils ont pu s'intégrer dans le monde du travail, dans leur entreprise, comment ils ont pu aussi avoir accès à des fonctions syndicalistes, de syndicats dans les syndicats locaux, comment ils ont pu aussi nouer des contacts entre eux, etc. Donc la table ronde sera animée dans cette optique de faire vivre de l'intérieur un petit peu ces questions migratoires par des personnes qui étaient engagées dans les luttes ouvrières et plus largement aussi dans les questions migratoires dans le bassin stéphanois. Ensuite, on va passer à deux exemples un peu plus concrets. Et ça va permettre également de sortir un peu de la région stéphanoise. Ça, c'est un des autres buts de cette journée, c'est de ne pas être simplement sur une vision un peu nombriliste et de voir qu'on est, on est dans une logique nationale. Finalement, exactement, il y a des chronologies nationales. Donc d'abord, c'est Vincent Guay, qui est doctorant à Évry en histoire contemporaine, qui va venir nous parler des engagements des immigrés OS, donc ouvriers spécialisés, dans les conflits de l'automobile dans la région parisienne au début des années 80. Donc Talbot surtout, il me semble. Voilà, Peugeot Talbot notamment. Et il va, je pense, insister notamment sur ce tournant que constituent les luttes des ouvriers immigrés dans les années 80 dans la région parisienne, dans la mesure où elles constituent un point critique, un peu un point nodal sur les représentations qu'on pouvait avoir sur le monde ouvrier à l'époque, dans la mesure où, et là c'est des controverses qu'il peut y avoir aussi parmi les historiens, où dans les années 80, on passe d'une approche en tant que travailleurs immigrés à des luttes d'immigrants en tant que tels. Donc on évacue, si l'on veut, d'un côté, un petit peu le caractère ouvrier de ces migrations pour ne garder que le caractère d'étrangers, en fait. Et c'est très intéressant à ce niveau-là de se rendre compte comment on a pu construire un petit peu cette nouvelle approche du monde ouvrier, notamment à travers les immigrés. Et la question religieuse aussi. Et la question religieuse, oui. Donc Vincent Guay nous en parlera plus longuement lors de cette présentation. Donc il y aura une seconde par Jean-Paul Benthière et Alban ici présent. Donc elle qui sera centrée sur Saint-Étienne avec la lutte des ouvriers immigrés aux aciéries du Furan, donc en 1972 à Saint-Étienne. Donc les aciéries du Furan, qui était une entreprise de taille moyenne, environ 300-400 personnes employées, qui était située à l'emplacement actuel des archives départementales de la Loire et qui a été détruite depuis. Et c'était une entreprise qui travaillait en sous-traitance pour l'automobile et les constructions automobiles en général, donc les transports, les camions, etc. Et il y avait une forte proportion d'étrangers dans l'entreprise. Et en 72, une grève éclate, très longue, animée notamment par des militants d'extrême gauche qui, je vous le rappelle par rapport à l'émission qu'on avait déjà faite il y a quelques mois sur les luttes des ouvriers immigrés dans les années 70, donc vont faire des liens, ces militants d'extrême gauche, entre les luttes d'immigrés et les luttes du monde ouvrier. Donc on va revenir sur cette lutte particulière en essayant de voir à la fois comment les ouvriers immigrés ont ou non participé à cette lutte et de quelle manière, et aussi essayer de la mettre en parallèle avec l'ensemble des luttes ouvrières dans le bassin stéphanois pour voir si c'est un cas à part ou si c'est quelque chose d'assez traditionnel dans le bassin stéphanois de voir des immigrés s'engager comme ça dans des conflits longs. Donc la matinée sera après conclue par Ahmed Boubaker, qui est professeur de sociologie à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui nous permettra de faire la transition des luttes ouvrières aux luttes urbaines. Donc l'après-midi, on va repartir sur ces questions des engagements urbains, en commençant par une intervention de Catherine Gauthier, socio-anthropologue et membre du Grémos, sur la question des cafés comme relais de l'engagement, justement. Ensuite, on aura Rachid Kadour, qui est docteur en géographie, qui a travaillé donc sur les questions des grands ensembles à Saint-Étienne. Leur patrimonialisation. Et donc voilà, une intervention qui est intitulée « Les travaux mémoriels des plus pauvres et leur faible participation à la patrimonialisation des grands ensembles ». Donc réfléchir, je pense, en grande partie sur Montréal, j'imagine aussi, qui est plus... Les grands ensembles du Sud-Est, stéphanois aussi, Beaulieu, Montchauvet, qui sont etc. de construction plus ancienne, mais où justement il y a une évolution de leur population aussi sur la période des années 70-80, avec une relative paupérisation. De ces grands ensembles qui au départ n'étaient pas construits, comme l'avait dit François Thomas à l'époque, les grands ensembles n'ont pas été construits pour les pauvres. Et finalement, on va se rendre compte à partir de la fin des années 70 que ces grands ensembles vont être majoritairement composés de foyers relativement pauvres, voire très pauvres. Et ensuite, avec une dernière intervention de Sakina Baka, qui est une militante associative, une ancienne de la Marche des Beurs, il me semble, qui va pouvoir nous parler de la question des luttes des femmes dans cette perspective des engagements des immigrés. Et aussi de la place de la jeunesse dans ces engagements immigrés à l'époque, dans les années 80. Et on enchaînera, on conclura avec une seconde table ronde copieuse qui sera animée par une doctorante en sciences politiques de Lyon, Morane Chavanon, et qui sera donc sur la question de l'engagement des associations dans les lieux de vie des immigrés avec un certain nombre de participants, et notamment extérieurs à la région. Donc on va quand même les citer. Donc Jean-Barthélemy Debos, par exemple, directeur du réseau et des partenariats de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Ensuite, Bouzine Belgacem. Donc Bouzine Belgacem, lui, est en provenance de la région du Nord, de Roubaix, et est militant associatif dans des associations qui s'occupent notamment de la mémoire ouvrière des immigrés étrangers dans le Nord de la France. Et particulièrement donc, dans l'industrie textile, qui était vraiment l'industrie dominante de Roubaix. Roubaix qui est une ville qui est très comparable finalement à Saint-Étienne sur bien des aspects, même si les activités n'étaient pas toujours les mêmes. Pas toujours les mêmes, oui. Elle était peut-être beaucoup plus mono-industrielle que ne l'était Saint-Étienne. Et donc un autre roubaisien, Maurice Vidrequin, qui lui fait partie d'une autre association, qui est celle des anciens de la Tossée, donc une usine, il me semble, de Roubaix également. Ensuite, Régine Berthollet, qui elle est une ancienne travailleuse sociale, qui va aussi nous parler de ses expériences et des relations avec les luttes de l'immigration. Également Mohamed Mamri, qui lui est président d'ECLA, l'espace culturel Loire-Amazigh. Oui, qui va pouvoir aussi retracer un petit peu les formes d'engagement des immigrés dans le bassin stéphanois. Et peut-être une représentante de l'association portugaise de la Loire, donc on aura vraiment une pluralité de visions et de parcours et de... sur ces engagements, je pense qu'on et de témoignages. Voilà, on aura quelque chose d'assez complet qui permettra d'ouvrir beaucoup de perspectives, et la journée sera synthétisée et conclue par Michel Rothenberg, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'université Jean Monnet également. Exactement. Donc entrée libre, si jamais les gens veulent retrouver le programme, il faut aller sur le site du Grémos, grémos.loutre.net, ou également si jamais certains qui veulent manger avec nous, c'est possible de s'inscrire contre une modique participation. Tout est expliqué sur le site, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Voilà, donc nous allons pouvoir enchaîner et ouvrir véritablement sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'histoire des immigrations dans le bassin stéphanois et des immigrés plus particulièrement. Donc dans un premier temps, on va peut-être déjà retracer un petit peu l'état actuel des travaux existants sur la question des immigrés, les questions migratoires dans le bassin stéphanois. Donc il ne faut pas croire que la recherche sur les immigrations dans le bassin stéphanois est un trou noir dans les sciences humaines et sociales, notamment sur Saint-Étienne. Il existe quand même un certain nombre de travaux depuis les années 1970, même on peut, pour une généralisation, mais il y a des premiers travaux qui sont un peu à la marge, à moitié, sur des pratiques d'experts et de pratiques de scientifiques. Mais on a effectivement des thèses, mais qui n'ont pas forcément des travaux qui n'ont pas forcément été menés dans des universités stéphanoises d'ailleurs aussi, parce qu'il n'y avait pas d'université. Exactement. Donc si on veut faire un petit bilan, quelles sont les flux migratoires qui ont été principalement étudiés dans le bassin stéphanois, on peut noter que cela varie en fonction du flux de ces immigrés. Par exemple, les questions des immigrés italiens, donc les immigrations italiennes, ont fait l'objet d'un certain nombre de travaux déjà depuis les années 60-70. Donc c'est les mémoires les plus nombreux qu'on a retrouvés, c'est notamment sur les Italiens. Cela peut-être peut s'expliquer par le fait que les Italiens étaient les plus nombreux dans le bassin stéphanois, et que un certain nombre de fils ou petits-fils d'immigrés, justement, ont écrit des mémoires sur l'immigration de leurs parents, grands-parents, pour mieux comprendre un petit peu leur passé. Donc il y a eu un intérêt, oui, des professeurs de l'Université Saint-Étienne, et puis d'autres originaires de Saint-Étienne ou en lien avec la région. Donc on peut trouver vraiment un nombre de travaux qui est assez impressionnant dans le fait justement qu'on n'est pas sur un sujet tabou, loin de là. Donc on va retrouver d'autres types d'immigration, espagnols en grande partie, les nord-africains, les portugais. Les arméniens aussi. Oui, les arméniens, et d'autres immigrations, on va dire yougoslaves, turcs. Mais étonnamment, il me semble qu'il n'y a aucun travaux sur les migrants d'origine asiatique. Non, il n'y a rien. Alors, il y a quelques articles qui font allusion ou qui s'intéressent plus particulièrement, notamment pendant la Première Guerre mondiale, sur les Asiatiques qui sont venus travailler dans les usines de guerre. Mais finalement, il n'y a peu de travaux là-dessus. Ceci peut-être peut s'expliquer aussi par le fait que c'était une migration qui était beaucoup plus discrète et beaucoup moins massive en numériquement, on va dire. Et donc au final, on a un certain nombre de mémoires de maîtrise en histoire, pas forcément qu'en histoire. On a quelques thèses qui ont été rédigées, par exemple celle de Leila Ben Sharif, mais on n'a quasiment pas d'ouvrage en fait. C'est là où finalement il y a peut-être du travail scientifique jusqu'à la publication, là il y a... Il y a une étape qui a été ratée peut-être. Oui, parce que contrairement à d'autres régions françaises, je pense à la Lorraine notamment, où il y a pléthore de travaux historiques, sociologiques, édités, parce que faut qu'un travail, pour qu'il soit vivant, il faut qu'il soit édité quand même et qu'il sorte un petit peu des cartons d'archives. Le bassin stéphanois, lui, ne connaît pas pour l'instant de travail de synthèse véridique sur les immigrations dans le bassin stéphanois, des origines à nos jours, une synthèse qui pourrait nous permettre en même temps, avec l'actualisation de la recherche, des nouvelles thématiques qui abordent ces questions-là, de dresser vraiment un véritable bilan des immigrations dans le bassin stéphanois. Alors ce qu'on va pouvoir trouver, c'est dans des livres d'histoire urbaine, de géographie urbaine, sociologie urbaine, beaucoup d'éléments qui peuvent être en lien. Donc on va citer quelques noms quand même sur les travaux qui ont pu être faits également en histoire ouvrière, donc Jean-Paul Burdi sur le soleil, les travaux de Michel Zancarini Fournel et de Mathilde Dubesset, donc effectivement quelques articles de Léla Ben-Sharif, également Abdelhafid Amouche qui a fait sa thèse de sociologie, je crois, sur l'habitat des immigrés d'origine algérienne à Saint-Étienne, sur les mariages aussi. Donc voilà, on peut trouver des sources éparses, mais ce qu'on va modestement essayer de faire aujourd'hui, c'est de poser quelques jalons sur cette histoire des travailleurs étrangers en région stéphanoise. Qui attendent donc toujours une synthèse que les perspectives nouvelles de cette année, avec toutes ces initiatives autour des questions immigrées dans le bassin stéphanois, pourraient peut-être faire émerger à terme l'écriture d'un ouvrage qu'il serait bienvenu quand même de réaliser. Donc on va commencer véritablement notre aperçu historique sur les immigrés dans le bassin stéphanois. On va découper notre discours en trois parties. Une première partie va s'intéresser au XVIIIe siècle, va partir des années 1800 jusqu'à 1914 environ. La deuxième partie couvrira la Première Guerre mondiale et les années 20 et les années 1930. Donc la période d'immigration massive dans le bassin stéphanois, et la troisième partie terminera sur la Seconde Guerre mondiale et sur les années 1940 à 1950. Donc nous arrêterons vers 1962 environ, et on tracera un petit bilan si possible à la fin. Donc nous allons commencer juste après une première pause musicale. Donc nous allons écouter tout de suite Magie de chère fille. À la mairie, moi j'aimais lire dans la brique trois mots magiques qui nous promettaient en cas de malheur du baume au cœur. Mais quelque chose m'a fait dire mais, ils ont oublié de mettre les guillemets. Oui, quelque chose m'a fait dire mais, est-ce que c'est moi qui dois mettre les guillemets? Trois mots accrochés, qu'est-ce que ça pèse quand on n'a pas l'air ou quand on n'a pas le pèse? Trois mots accrochés qui nous ont fâchés. À la mosquée comme à l'église, c'est tout kiff. Ces demoiselles jugent à la couleur du pif. Elles te promettent un truc meilleur, mais c'est ailleurs. Ces jolies filles ont beau s'y mettre à trois, il faut les aimer mais sans les toucher du doigt. Alors autant qu'on ait la braise, s'il faut qu'on soit sourd, autant qu'on se taise. Alors autant qu'on ait la braise. Je suis français, pas du pipeau naissant. Que je suis franc là jusqu'à mon accent. Oui, je suis franc et c'est dit tout en passant. Je suis français par le sol et pas par le sang. Je suis français, pas du pipeau mais sang. Que je suis franc là jusqu'à mon accent. Oui, je suis franc et c'est dit tout en passant. Je suis français par le sol et pas par le sang. Marche du palais, y avait un beau dessin qui disait gare à tous les assassins. Mais quelque chose m'a fait dire quoi. Posé dessus, on pèse pas le même poids. C'est toujours du même côté qu'elle penche. Cette balance est la semaine et le dimanche. Alors autant mettre tout le monde à l'aise. Asseyez-vous mais apportez vos chaises. Alors autant vous mettre à l'aise. Je suis français, pas du pipeau mais sans. Que je suis franc là jusqu'à mon accent. Oui je suis franc et c'est dit tout en passant. Je suis français par le sol et pas par le sang. Je suis français, pas du pipeau mais sans. Que je suis franc là jusqu'à mon accent. Oui je suis franc et c'est dit tout en passant. Je suis français par le sol et pas par le sang. De retour à l'émission du Grémos, consacrée aujourd'hui aux immigrés et aux immigrations dans le bassin stéphanois du XVIIIe siècle aux années 1960 environ. Donc nous avons présenté en première partie de l'émission l'actualité de la recherche actuellement sur ces questions-là. Nous avons aussi présenté la journée d'études à venir du Grémos et l'exposition Saint-Étienne cosmopolitaine. Nous allons pouvoir maintenant embrayer tout de suite sur l'historique des immigrations et des immigrés dans le bassin stéphanois avec dans une première partie la période qui s'étale du XVIIIe siècle jusqu'à 1914 environ. Donc là, ça permet aussi de rebondir sur la présentation qui est faite par l'exposition des archives municipales, donc en remontant jusqu'au milieu du 18e, avec un phénomène qui n'est absolument pas unique au bassin stéphanois, c'est des migrations d'artisans, de travailleurs qualifiés, notamment italiens, qui viennent trouver de beaux postes, de beaux emplois dans une France qui est encore la France des corporations. Donc on va trouver un certain nombre d'individus qui vont pouvoir venir, ça, on vous laissera regarder ça dans l'exposition, donc des familles d'artisans qui s'installent véritablement à Saint-Étienne dès ce moment-là. Et donc on a une caractéristique de ces migrations de travail, c'est que jusqu'au milieu du 19e, en fait, c'est vraiment le fait de travailleurs, d'ouvriers qualifiés. On vient chercher un savoir-faire. Voire même de patrons, en fait, parce qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger aussi, c'est le fait qu'il y ait un certain nombre de patrons ou d'industriels, en tout cas, qui viennent de l'étranger. Et justement, c'est le fait de venir s'installer à l'étranger permet à des gens qui sont des ouvriers de devenir des entrepreneurs, de devenir leur propre patron. Et ça, il y a un nombre d'exemples, notamment dans la sidérurgie, qui est assez important. On peut parler de Jackson, James Jackson, qui est un ouvrier anglais sidérurgiste, qui va venir fonder non pas la première entreprise sidérurgique du bassin, mais en tout cas celle qui va marquer véritablement le décollage économique de la région. Et également des ouvriers originaires d'Alsace. D'Alsace, oui. Qui sont venus avec le premier directeur de l'école des mines, qui était en poste proche de Klingenthal, et qui a été cherché là-bas dans la manufacture locale de la main-d'œuvre qualifiée. Donc on peut penser à la famille Bedel, à la famille Holzer, qui sont passés par l'usine de la Bérardière avant, soit pour les Bedel de la reprendre quelques années plus tard, ou pour les Holzer de fonder leur entreprise, d'abord à Côte-à-Terre, ensuite à Unieux. Et donc les aciéries Holzer vont être l'un des principaux fleurons de la sidérurgie stéphanoise jusqu'aux années 1950 et la fusion au sein de la compagnie des ateliers des Forges de la Loire. Donc on a vraiment ces migrations qualifiées qui ne se limitent pas à la sidérurgie. On va trouver des mineurs aussi, pas mal de mineurs de fonds expérimentés. On va trouver des ouvriers du bâtiment, notamment les maçons italiens, c'est une migration assez ancienne. On va trouver également d'autres métiers du bâtiment, des gens qui sont peut-être beaucoup plus dans pas dans le textile, mais dans les cuirs, la confection peut-être. Enfin, voir la chimie ou les produits, les questions des tanneries, les choses comme ça. Donc voilà. Le textile un petit peu annexe aux travaux des textiles, donc tout ce qui était notamment sur Saint-Chamond-Isieux, où il y avait quand même des travailleurs étrangers qui étaient là pour leur savoir-faire aussi. Mais donc on est vraiment sur des effectifs qui sont marginaux. On a l'estimation sur le recensement de la ville de Saint-Étienne de 1857, on serait à 0,39% d'étrangers. C'est quelque chose qui est... On n'est pas obligé de connaître un étranger à ce moment-là. On peut connaître quelqu'un qui vient des plateaux du Velay, du Vivarais ou de la plaine du Forêt, des monts du Forêt, mais on est vraiment à une époque où les migrations sont assez localisées finalement. Et d'ailleurs, au sein même de la ville de Saint-Étienne, si je reprends le chiffre de 1872, il y a environ 95% des gens qui sont nés à Saint-Étienne. Donc on est quand même dans une autochtonie quand même assez marquée. Et la plupart des chercheurs qui ont travaillé sur la question notent que le bassin stéphanois se caractérise quand même par cette forte autochtonie par rapport à d'autres régions industrielles de France. Et qui va se maintenir jusqu'à au moins la Seconde Guerre mondiale. Donc ces migrations qualifiées... Elles sont le fait de la première révolution industrielle, industrialisation, peu importe comment on l'appelle, le moment où justement se mettent en place de nouvelles filières techniques, de nouvelles productions. Et il va y avoir un renversement de tendance assez généralisé avec la seconde moitié du 19e, où là, au contraire, surtout à partir des années 1870, on va faire venir non plus de la main-d'œuvre qualifiée, mais on va faire venir des gens pour les embaucher, les faire travailler comme manœuvre, ou ce qu'on appellera plus tard les OS. Donc notamment, on va faire venir des gens d'Italie pour travailler dans les mines, mais surtout dans les verreries. Alors là, on va en parler d'un petit instant. Ce qui est intéressant avec le travail du verre, c'est que c'est un travail qui est très pénible. Il y a une mortalité qui est affolante dans ce type de métier. Il y a des risques d'accident qui sont importants. Et c'est une industrie qui emploie beaucoup de gamins. Beaucoup de jeunes. Donc de moins de 16 ans souvent. Oui. On peut même dire moins de 12 ans, il y en a. Ah oui, c'est une horreur quand même. Et donc on trouvait des verreries à Saint-Étienne, mais qui ont fini par disparaître, à Rive-de-Gier, plus tard dans la plaine du Forêt. Et on va faire venir, parce que les Français veulent plus faire ce boulot, parce que c'est quand même. Et puis il a le droit du travail, la législation sur le travail des enfants qui progresse. Et on va faire venir des gamins d'Italie. Il va y avoir de véritables filières clandestines d'émigration de gamins italiens. Les parents louent leurs enfants en Italie du Sud, où il y a une misère énorme, à des passeurs, à des intermédiaires, qui font venir ces gamins clandestinement pour bosser dans les verreries. Et donc, dans les années 1880, il y a beaucoup de plaintes, des enquêtes journalistiques. Voilà, on est horrifié par ce qu'on trouve dans les verreries, mais ils disent oui, mais on a besoin de petites mains, de personnes de petite, enfin de faible constitution pour travailler, pour aller nettoyer les équipements. Voilà, etc. C'est vraiment une justification des industriels du secteur. Et malgré tous les efforts, il va rester longtemps des jeunes dès 12-13 ans qui vont être employés dans les verreries. Donc c'est vraiment un. Il suffit de regarder notamment toutes les photographies d'époque qui sont reproduites dans un certain nombre de livres qui sont sortis ces dernières années sur les photographies dans le bassin stéphanois, où on voit quand même la présence massive de jeunes enfants sur les photographies qui travaillent donc effectivement dans les usines du bassin stéphanois. Et donc les Italiens, voire les Espagnols, prennent la place des Français dans ce boulot. Donc on trouve moins d'enfants étrangers dans les mines, hein, on trouve des travailleurs quand même. Également comme employés comme manœuvre dans les usines, la grande métallurgie. Mais là, on va reprendre ce que nous disent les chercheurs qui ont travaillé sur la question. Finalement, jusqu'aux années 1910, on reste là encore avec des effectifs qui sont négligeables. Le nombre de travailleurs étrangers dans les entreprises du bassin, c'est vraiment la portion congrue. Parce que ce que Jean-Paul Burdi citait sur les usines qui emploient les habitants du quartier du Soleil, on est vraiment sur... Et puis la résidence des étrangers au Soleil, on est vraiment sur des chiffres qui sont marginaux. Et les choses vont un petit peu changer avec 1910 jusqu'à 14. On s'aperçoit qu'il y a un vrai déficit de main-d'œuvre, que la main-d'œuvre rurale qui venait justement occuper ces postes non qualifiés commence à manquer. Il y a aussi des raisons militaires à partir de 1913, quand le service militaire est porté à 3 ans. Qui renforce la chose. Et donc là, à partir de 1910, il y a une volonté publique de permettre la venue d'un petit peu plus de travailleurs étrangers. Et donc on voit l'arrivée de quelques ouvriers italiens, notamment espagnols aussi, peut-être un peu des mineurs marocains, voire kabyles, oui. qui commencent à arriver dès 1910. Mais c'est un mouvement qui est encore assez marginal et qui va être complètement tué dans l'œuf avec la guerre. Avec la Première Guerre mondiale, oui. Et donc là, on ne va pas refaire ce qu'on vous a déjà parlé dans une émission précédente, mais il y a une mobilisation générale des hommes français. Ils regardent à peine s'ils sont employés dans des usines de guerre à ce moment-là, en août 14, septembre 14. Et donc on envoie toute la fine fleur de l'industrie française au front qui va... Et les premiers mois de la guerre sont terribles, il y a des pertes humaines énormes. Mais l'état-major se rend très vite compte qu'il a fait une grosse bêtise, qu'il n'y a plus personne pour produire des armes, pour extraire le charbon des mines. Et donc, très vite, on va faire revenir les hommes du front, mais il faut bien en garder là-bas. Il faut bien en garder là-bas, donc... On fait travailler les femmes, mais ça les embête quand même. C'est pas bien, les femmes dans les usines de guerre, enfin, avec les hommes. C'est des conceptions moralistes, hygiénistes assez importantes. Et donc, très rapidement, qui c'est qu'on va faire venir ? Forcément, ce sont des étrangers, des coloniaux et ce qu'on appelle la main-d'œuvre exotique, venue la plupart du temps de Chine ou d'Indochine. Voilà, donc on avait déjà abordé cette question-là dans une précédente émission, donc on n'en reviendra pas dessus. Il faut bien se rendre compte, c'est que, aussi bien au niveau stéphanois, au niveau local qu'au niveau national, cette Première Guerre mondiale constitue véritablement un tournant dans les flux migratoires en France et donc au niveau local, avec après-guerre. De véritables flux migratoires qui vont se mettre en place, notamment aussi institués par le patronat local qui va pouvoir influencer aussi ces migrations. Alors ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, on a des logiques de migration qui sont individuelles. Quelqu'un qui veut effectivement trouver un meilleur emploi, un meilleur salaire que dans son pays, ou qui a de bonnes raisons de quitter son pays. Pour des raisons politiques aussi, notamment au XIXe siècle, un certain nombre de travailleurs étrangers viennent, suite aux grands mouvements nationalistes qui apparaissent au XIXe siècle, donc les questions politiques vont forcer un certain nombre de militants de ces pays à quitter leur pays et à fuir et venir se réfugier en France, donc des migrations tout à fait politiques qui se sont mises en place. Et ce qui se met en place également, justement, ce sont des filières. Ce qui est intéressant à dire, c'est au départ, quand c'était les travailleurs qualifiés, par exemple, il y a très longtemps, on faisait venir des verriers italiens du même endroit, de la même usine. À partir du moment où il y avait une réputation qui s'était faite sur la qualité de la main-d'œuvre, on allait débaucher au même endroit. Et c'est une pratique qui va se poursuivre quand on va avoir moins besoin de travailleurs qualifiés. Il va y avoir des filières. On va faire venir du même village en Italie. Voilà, on a fait venir un ouvrier. Le patron est content de l'ouvrier. Et donc l'ouvrier dit, ben, il y a mon cousin, il est aussi bon que moi, il y a mon frère, il est aussi bon que moi. Bon, celui qui vient, c'est pas forcément le cousin, c'est pas forcément le frère, hein. Il y a beaucoup de fraudes à ce niveau-là sur les questions de migration. Mais il va y avoir mise en place de ces filières, avec des intermédiaires aussi. Pendant la Première Guerre mondiale, les intermédiaires, voilà, on a fait venir 5 ouvriers espagnols d'Almeria chez Chavannes-Brun à Saint-Chamond. Et ben, bizarrement, Chavannes-Brun va continuer à vouloir prendre des ouvriers espagnols à Almeria et pas ailleurs. Donc ces filières se mettent en place et vont devenir durables. Quand on a confiance en un ouvrier, l'ouvrier devient contremaître. Ensuite, voilà, il continue à faire venir des gens qu'il connaît, qui sait former au boulot ou pas. Hein, des fois, il y a quand même quelques petites arnaques, on pourrait dire. Des stratégies qui font partie du jeu. C'est des solidarités locales. Qui peuvent se retrouver effectivement dans ces migrations de travail. Et on a de véritables intermédiaires. Alors pendant la Première Guerre mondiale, ces intermédiaires généralement sont les traducteurs qui tiennent le groupe des immigrés. Qui ont un certain pouvoir sur eux et qui peuvent même en profiter. Qui les rançonnent littéralement. On a des cas de traducteurs marocains ou chinois qui rançonnent littéralement leurs compagnons. Ouais, et ça pose quelques problèmes justement quand... les travailleurs se plaignent justement du mauvais traitement qui est infligé. Et ce qu'il va y avoir dès la Première Guerre mondiale, mais encore plus dans les années 20, c'est la mise en place d'une migration collective. Notamment avec les Polonais, par exemple. Alors là, ça va être le cas le plus explicite. Dès 1919, il va y avoir une convention de migration entre la France et la Pologne. Donc la Pologne, État qui est nouvellement indépendant à ce moment-là. et ça va être de plus en plus renforcé. En 1924, la gestion de la main-d'œuvre étrangère est privatisée. En fait, on crée la Société Générale d'Immigration. Et à partir de ce moment-là, une entreprise qui a besoin de main-d'œuvre immigrée s'adresse à la SGI et lui dit bon, on a besoin de mineurs polonais, on a besoin de mineurs marocains, on a besoin de manœuvres espagnoles, italiens, etc. Et donc, on ne va pas simplement chercher. Le travailleur immigré ne va pas simplement venir de sa propre initiative, mais aussi il va être recruté directement dans le pays, et par dizaines, par centaines parfois. Donc là, on a vraiment une massification assez remarquable des migrations. Et là, le pourcentage des travailleurs étrangers explose littéralement. En 1921, à Saint-Étienne, il y avait déjà 4,33% de la population qui était étrangère. Bon, ça avait déjà diminué depuis la guerre. Mais rien qu'en 1936, on a 2% de population étrangère en plus. Et encore, on n'est pas à l'abri de quelques fraudes, là aussi, sur les recensements, qui ne sont pas forcément les données les plus fiables à l'époque. C'est tout le problème pour l'historien et le chercheur d'arriver à retrouver traces concrètes et correctes de ces immigrants dans le bassin stéphanois. Donc, avant d'entamer la suite, nous allons peut-être passer à la prochaine pause musicale. Donc, nous allons vous faire écouter Carte de séjour, un titre qui est connu, hein, Douce France. Il revient à ma mémoire des souvenirs périlés. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, de mon âge pour partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils d'un voyage, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, gardez dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Douce France, douce France. De retour à l'émission Grémos sur Radio Dio. Donc consacré aujourd'hui aux questions des immigrations dans le bassin stéphanois. Donc on essaie de vous tracer très rapidement et à grands traits un des jalons historiques sur les immigrations dans le bassin stéphanois. Avant d'aborder la crise des années 30 qui va constituer un peu un tournant dans les immigrations dans le bassin stéphanois, deux points notamment sur les stéréotypes et la géographie de ces immigrés dans le bassin stéphanois. Les stéréotypes, c'est pour rappeler que dès l'arrivée des immigrés dans le bassin stéphanois, du moins quand ils arrivent massivement, qu'ils sont visibles dans la rue, dans les commerces, etc., les commentateurs locaux, les journalistes, etc., vont reprendre et alimenter des stéréotypes courants et récurrents sur les mains-d'œuvre immigrées dans le bassin stéphanois et notamment et d'ailleurs en France en général. On peut aller très vite pour dire effectivement l'espagnol est sale. Voilà. C'est Jean-Paul Burdi qui mettait ça en avant. Le méditerranéen est indolent, il n'aime pas beaucoup l'effort, alors que le polonais, lui, c'est quelqu'un de rigoureux, de propre aussi, et qui est dur au mal. Donc vraiment, il y a des jugements de valeur qui sont faits et qui seront de plus en plus sévères contre les Maghrébins en général. Donc là, y a les Italiens, les Espagnols, au bout d'un moment, vont un petit peu être oubliés, vont être acceptés un petit peu plus facilement, mais il y aura toujours des stéréotypes qui ont la vie dure avec les Nord-Africains et les Algériens en particulier. Des stéréotypes qui continuent d'ailleurs encore de nos jours pour d'autres immigrations. Rappelez aussi rapidement que la géographie de ces immigrations est particulière. Rappelez que le bassin stéphanois est pour l'ensemble de la Loire vraiment le point nodal des flux migratoires. Sur la région rouennaise ou dans la plaine du Forêt, on retrouve beaucoup moins d'immigrés que dans le bassin stéphanois. Et c'est vraiment dans le bassin stéphanois, donc dans le bassin noir, dans le bassin houillé, que l'immigration va être massive. Et ces immigrés, on les retrouve dans des proportions complètement différentes en fonction des endroits. Donc par exemple, les étrangers sont beaucoup moins nombreux dans la vallée de l'Ondaine, jusque dans au moins les années 50. Ils sont surtout présents à Roche-la-Molière, par exemple. Pour les mines. Il y a une faiblesse relative de la population étrangère dans les agglomérations de Saint-Chamond notamment, contrairement à Rive-de-Gier. Donc on peut voir aussi que d'une ville à l'autre, les densités d'immigrés, on peut dire, varient véritablement. Donc ça va constituer aussi ces premiers foyers de peuplement d'immigrés dans le bassin stéphanois. Il y a deux modes de peuplement. Il y a le travailleur tout seul, notamment ça c'est les Nord-Africains, et les familles. On trouve des enfants polonais dans des écoles spéciales alimentées par les houillères, des familles espagnoles, italiennes aussi. Donc il n'y a pas simplement une immigration de travail, il y a des immigrations un peu plus permanentes ou avec les bases pour être un peu plus permanentes. Oui, et Frédéric Zach, dans ses recherches actuelles, va aussi nous montrer que cette immigration familiale va prendre des contours différents avec la création de petits commerces, etc. Donc il va y avoir aussi pour ces premières générations un début de sortie du monde ouvrier qui va être possible via la femme, par exemple, etc. Notamment les Italiens. Totalement. Alors sur la présence des étrangers, on expliquait dans les années 20, il y a un afflux massif, il y a plusieurs milliers d'ouvriers et de mineurs étrangers. Il va y avoir un maximum qui est atteint au début des années 30, et avec la crise économique, il y a un reflux. On veut protéger la main-d'œuvre nationale, donc l'État met des limites sur la quantité de main-d'œuvre étrangère qu'on peut employer dans les entreprises. Bon, ça concerne plus la grande entreprise que les petits ateliers, mais on va avoir un départ assez important de travailleurs étrangers, notamment, je crois, les Italiens repartent en nombre, les Espagnols aussi. Les Polonais. Peut-être un peu moins quand même, mais puis les Nord-Africains, il y a quand même une bonne proportion qui repart, jusqu'en 1939. Au moment de la déclaration de guerre, où là, il va y avoir d'autres départs. Les Italiens sont mobilisés pour faire la guerre, donc il y a beaucoup d'Italiens qui repartent dans leur pays. Dans le même temps, en plus, il faut gérer les républicains espagnols qui sont réfugiés dans la région. En 1940, ils vont commencer à être envoyés au Mexique. Mais voilà, de manière générale, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup moins de main-d'œuvre étrangère. On retrouve les Polonais surtout, qui eux sont, en plus, bon, la Pologne, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays qui est occupé par l'Allemagne. Et voilà, il y a une sorte de minimum qui est à nouveau atteint sur les dernières années de guerre. Oui, si on peut reprendre des chiffres au niveau départemental ici, par exemple, nous passons de 19 000 immigrés dans la Loire en 1921 à 40 000 en 1931, donc 10 ans plus tard, ça double. pour retomber à l'après-guerre en 1946 à 22 000. Donc on voit qu'il y a vraiment eu un pic au cours des années 20-30 avec une retombée pour atteindre les chiffres qui étaient ceux de l'après-guerre dans le bassin stéphanois. Donc il y a des vagues migratoires vraiment avec des flux qui sont importants et qui divergent en fonction des nationalités, etc. Donc tout ça, ça nous amène à la reconstruction. À la reconstruction et à la période de la Deuxième Guerre mondiale et à la reconstruction qui va ouvrir là encore une nouvelle période dans les flux migratoires dans le bassin stéphanois. Alors il y a, à partir de 1947, il y a des accords de main-d'œuvre qui sont signés entre la France et l'Italie et il y aura beaucoup de travailleurs italiens qui vont venir. Alors normalement c'est pour travailler dans les mines, mais les Italiens vont tenter le plus rapidement possible de quitter le fond parce que c'est quand même un travail qui est pénible et difficile. Et on va avoir dans les usines de la Loire beaucoup de travailleurs italiens qui vont arriver. Avec donc là une provenance encore assez typique, beaucoup de Siciliens qui viennent à ce moment-là. Ou de la région des Pouilles aussi. Oui, voilà, d'Italie du Sud en général. Dans le même temps, il y a des Marocains qui arrivent à nouveau, justement avec un contrat de travail, on les embauche dans les mines. Et généralement, si jamais ils quittent la mine, ils sont censés retourner chez eux, mais il y a quand même beaucoup qui arrive à frauder un petit peu là aussi ce système. Et il y a une dernière population qui commence à venir en nombre, ce sont les Algériens, qui eux, depuis 1947, sont citoyens français, normalement, et donc ils ne sont pas soumis à un contrôle sur leur mobilité, et qui sont aussi très difficilement repérables. Voilà, oui, il y a une grande confusion dans les chiffres, dans les données statistiques qu'on peut retrouver. Il est très difficile de distinguer les Algériens des autres Maghrébins qui arrivent dans le bassin stéphanois. Et ce qui est particulier aussi, c'est donc une main-d'œuvre qui n'est pas liée par un contrat de travail. Donc il y a une instabilité, il y a un turnover, un absentéisme massif. J'ai pu regarder un petit peu les fichiers de personnel de la boîte Arrive de Gier, Brunon Valette. Si un travailleur algérien reste un an dans les années fin 40, début 50 dans l'usine, un an, c'est vraiment un maximum. Des fois, ils font une semaine, ils font un mois. Voilà, il y a un débauchage important. C'est une main-d'œuvre qui est vraiment instable. Instable et mobile, et qui profite en fait de la situation un peu de reconstruction et d'après-guerre pour changer de boîte en fonction des envies, en fonction des salaires qui sont proposés, etc. Donc il y a quand même une forme d'un côté de liberté qui est donnée à ces travailleurs, les conditions économiques leur permettent un peu de changer de patron comme ils veulent, dans la mesure où ils sont moins soumis au contrôle que les autres. Et dans un autre sens, ils sont employés comme manœuvre, voilà, ce sont des ouvriers non qualifiés, donc il y a moins d'enjeux pour les entreprises de les retenir. C'est vraiment, on va pas dire un personnel corvéable à merci, mais c'est vraiment, ils peuvent jouer justement sur le fait qu'il y a beaucoup d'instabilité pour maintenir des salaires bas, alors que pour les travailleurs italiens, à Brunon Valette, on trouve des OS, on trouve des ouvriers qualifiés. Et généralement, même si les OS sont beaucoup plus mobiles que les ouvriers qualifiés, ils vont essayer de garder leur personnel qualifié. Donc il y a vraiment là une distinction. Mais un Italien peut être qualifié, alors qu'un Algérien ou un Marocain, pour être considéré comme qualifié, c'est quand même assez compliqué à l'époque. Oui, et ça c'est tout un processus qui s'est quasiment mis en place avec la Première Guerre mondiale. Quand on avait travaillé sur cette période-là, on s'était rendu compte de toutes les... Donc notamment à partir de ces stéréotypes, ces fameux stéréotypes, permettent de classer les nationalités en fonction de certains critères. Et ces critères permettent de classer dans des zones de qualification. Donc à l'arrivée, la mobilité ascendante ou descendante varie en fonction de la nationalité et des stéréotypes qui sont attribués, des représentations qui sont attribuées autour de ces stéréotypes aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que les Nord-Africains qui venaient dans la Loire voulaient ou estimaient que c'était bien pour eux de rester manœuvre ou ouvrier spécialisé. C'est qu'en même temps, les conditions d'embauche, etc., les enfermaient aussi un peu dans ce carcan, et on leur permettait peut-être un peu moins que les autres d'acquérir certaines qualifications, etc. Finalement, l'emploi le plus qualifié qu'ils pouvaient trouver, c'était dans les mines. Dans les mines, oui. Avec des salaires, au fond, qui étaient beaucoup plus attractifs, alors que le personnel français ou même polonais, italien, eux, avaient quitté le fond et s'étaient mis au jour ou avaient trouvé des places de maîtrise, voire d'employés, avec des conditions de travail qui étaient quand même moins pénibles, même pour être payés moins. Après, il y a d'autres professions qui restaient un peu plus le fait d'ouvriers, notamment les Italiens, les Espagnols, les Portugais, dans le bâtiment. On a vraiment là une main-d'œuvre un peu plus qualifiée, mais sur des métiers spécifiques et qui occupent pas autant de personnel que la sidérurgie ou les mines, ou même la mécanique. où il y a quand même un petit peu moins de main-d'œuvre étrangère, puisque c'est des métiers un peu plus qualifiés en pratique. Donc on a vraiment, dans les années 40 et 50, un retour de cette main-d'œuvre italienne, une émergence nouvelle de la main-d'œuvre nord-africaine. Donc là, les Algériens, notamment les Kabyles, prennent un peu le pas, originaire du département de Constantine. Oui, parce que tu fais bien de préciser, c'est que ces flux migratoires sont aussi le fait encore soit de villages, soit de régions bien précises dans les pays d'origine, en fait. Oui, on trouve dans les mêmes boîtes, hein, là encore, la même région, la même ville, assez précisément. Donc les Algériens, les Kabyles commencent à dépasser en quantité les Marocains qui étaient très présents auparavant. Les Marocains, ils étaient de la région de Sousse, au sud du Maroc, on va dire. Et de plus en plus, justement, les Nord-Africains vont croître, et jusqu'à arriver à la fin des années 50, au moment de la guerre d'Algérie, où il va y avoir à peu près à ce moment-là un nouvel afflux de travailleurs nord-africains qui fuient qui fuit la guerre, qui fuit l'absence de travail. Et véritablement, on atteint un niveau jamais atteint jusque-là, juste de nombre de travailleurs immigrés nord-africains, musulmans, enfin, peu importe les appellations qui étaient faites par l'administration à ce moment-là. Mais vraiment, 62, 63, on atteint un chiffre nouveau et qui va poser de nouveaux problèmes, de nouvelles problématiques sur l'accueil. On n'a pas parlé des questions de logement, mais il y aurait énormément à dire. Sur les lieux de sociabilité aussi, mais... Donc voilà. Ça va être abordé notamment dans la journée d'études du Grémos. C'était le but. Hein, ça va être abordé lors de la journée d'études du Grémos, donc ces questions d'engagement migré. Donc on pourra peut-être parvenir malheureusement sur la question de la guerre d'Algérie en tant que telle, avec les luttes des ouvriers migrés dans le bassin stéphanois concernant la guerre d'Algérie. Mais on peut rappeler aussi qu'en fonction des usines, des boîtes, ça changeait beaucoup les proportions d'ouvriers migrés, notamment nord-africains. Et si on voit pour les usines de la CAFL, donc les grosses usines de la Compagnie des ateliers Forges de la Loire... Futur Creuse de Loire, d'une usine à l'autre, donc d'un espace géographique à l'autre, ça change. Dans l'Onden, ils ne sont que 5% environ entre les années 60-63. À Saint-Chamond, ils sont encore moins nombreux. C'est une usine où les ouvriers sont beaucoup plus qualifiés, ils sont environ 3%. C'est de la mécanique. Voilà, c'est que de la mécanique, donc il faut être ajusteur, il faut avoir un CAP souvent, etc. Possibilités qui ne sont pas offertes généralement aux travailleurs immigrés. Et par contre, pas encore du moins. Et par contre, à l'usine du Marais, donc à Saint-Étienne, à côté du stade, l'usine du Marais, donc de la sidérurgie pure et dure, là on va retrouver, parce qu'il y a besoin de beaucoup de manœuvres, on va retrouver quasiment 15% d'étrangers dans l'usine. Travail à chaud qui demande d'autres qualifications. Donc on se rend bien compte qu'il y a des politiques d'embauche aussi qui sont complètement différentes d'un espace à l'autre, même si on est dans la même usine, etc. Donc derrière tout ça, il y a des milliers de parcours migratoires possibles, inimaginable. Donc à l'arrivée, notre présentation ne reste que ne survole que cet aspect des choses. De toute façon, on pouvait guère faire mieux en une heure, malheureusement. Mais voilà, il reste beaucoup de sujets à ouvrir là-dessus, donc on pourra peut-être le faire une prochaine fois. Donc n'hésitez pas à nous laisser des messages aussi sur le site de Grémos si vous avez des archives concernant ces migrations d'immigrés, de travailleurs immigrés, donc aussi bien des fiches de salaire que vous avez pu conserver, des choses comme ça. Nous pourrons aussi les transmettre aux archives municipales ou départementales. Donc le Grémos est tout à fait preneur aussi de témoignages, etc., de souvenirs de personnes nées à l'étranger ou non, ou fils d'immigrés, etc., dans le bassin stéphanois. Et les archives municipales aussi, dans le cadre de l'exposition Saint-Étienne Cosmopolitaine, recueillent tous les témoignages possibles de fils ou non d'immigrés. Voilà, donc on vous attend à la journée d'études du 13, à la soirée musicale du 12 novembre. Je voulais rappeler aussi qu'il y avait une exposition toujours en cours au château des Bruneaux à Firminy sur les espaces des petits commerces dans la ville de Firminy. Donc on peut retrouver là aussi des questions de travailleurs immigrés qui ouvrent leurs petits commerces. Donc voilà, tout un tas d'activités, d'initiatives en ce moment sur la région stéphanoise en relation avec le monde industriel, le monde ouvrier et les immigrations qui sont partie prenante de ces deux mondes-là. Voilà, donc l'exposition aussi au Musée d'Art et d'Industrie, celle au Puy Couriot. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à sortir, il y a beaucoup de choses en ce moment. Voilà. Donc voilà, c'était l'émission mensuelle du Grémos. On vous remercie de votre écoute et puis on espère vous retrouver bientôt à la journée d'études. Bonne journée.